Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le petit livre rouge de Mao. Alors maintenant, il faut bien dire que c'est un pari devant l'histoire. Est-ce que la Chine réussira à créer un homme nouveau? Ou est-ce qu'il ne réussira pas? À mon avis, c'est le secret de l'avenir. Une bien grande question soulevée ici par François Wang, prêtre chrétien spécialiste de la Chine, dans cet entretien qui date de 1973. Une bien grande ambition aussi que celle de Mao à l'époque de créer cet homme nouveau. L'homme nouveau, la révolution culturelle, le petit livre rouge, de forts symboles de cette Chine de Mao. Mais qu'en est-il plus précisément du petit livre rouge? C'est en 1964 qu'il sera publié pour la première fois. On dit qu'après la Bible, ce sera le livre le plus vendu sur la planète, plus d'un milliard d'exemplaires du petit livre rouge sera publié au cours des années. Jean-Luc Domenac, vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris, auteur de nombreux livres, Monsieur Domenac, sur la Chine, entre autres Mao, sa cour et ses complots, Derrière les murs rouges, publié en 2012 chez Fayard. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Mais je vous en prie, c'est moi qui suis très content. Plus d'un milliard, donc, d'exemplaires de ce petit livre rouge. Tout le monde ne l'a quand même pas lu, ce petit livre rouge. Dites-nous, pour débuter cette émission, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de changer le parti, de changer le rapport entre le parti et la société. Et effectivement, on donne un ton qui nous paraît un peu évangélique. En fait, il s'agit pour Mao de se décrocher par rapport au modèle bureaucratique, de faire la différence avec le modèle bureaucratique dont on accuse Liu Shaoqi, et montrer que, et rappeler à la population, et lui faire comprendre à la population que le communisme, c'est une affaire de tous les jours. Mmh. Et c'est ça la rupture de Mao avec Liu Shaoqi, alors que Liu Shaoqi était un bureaucrate tout à fait brillant, mais un bureaucrate, Mao veut s'imposer comme l'homme de la morale de tous les jours. Et ce petit livre rouge, c'est au fond les écrits de Mao, c'est son enseignement, ce sont ses discours. Oui, mais solidement choisi, si je puis dire. Ouais. Hein, parce que, et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui vous surprendra, Mao n'a rien écrit lui-même. Ce sont ses secrétaires qui ont toujours écrit. Ouais. Mao disait, faites-moi un papier sur tel truc, et puis bon, ça va, là, faites attention, etc., etc. Mais effectivement, ce sont des bouts de travaux, d'articles de Mao Tse-Tung. Ouais. Bon, c'est en 1964 donc qu'on décide de publier ce petit livre rouge. C'est Céline Piao qui décide de publier ce petit livre rouge, qui dit c'est une bonne idée cette affaire-là. Il y a un petit groupe. Hein. Il y a Mao, Lin Piao et l'intrigante qui est Madame Tianxin, Madame Mao. Ouais. Et ce sont eux qui, avec une espèce de crapule stalinienne qui s'appelait Kang Sheng, qui était l'homme des basses œuvres, c'est eux qui font la politique, c'est eux qui font des coups en quelque sorte. Et ça, c'est un coup. Et pourquoi donc publier? Pourquoi cette idée? Parce que il s'agit justement de décrocher le modèle maoïste du modèle classique, du modèle soviétique et du modèle soi-disant attribué à Liu Shaoqi. En fait, c'est la préparation, la préparation d'artillerie morale de la révolution culturelle. Bon, qui est Liu Shaoqi? Alors Liu Shaoqi, c'est c'est le patron du parti. Il est numéro 2 du régime. C'est un brave type. Il fait la politique comme on lui a appris. Il a fait un peu à la soviétique, mais c'est aussi un homme charmant. Il a une femme dont Tianxin, Madame Mao, est abominablement jalouse. Il a des beaux enfants. C'est un bon père de famille. Et Mao le déteste pour tout ça. Ouais. Il le soupçonne d'être un soviétique et d'être un type pas sympa. Et puis il a trop de chance avec cette jolie femme. Alors il aura une importance considérable, ce petit livre rouge. Pour comprendre un peu, un premier extrait. Le témoignage du journaliste Pierre O'Neill au micro de Gilles Courtemanche en 1971. Il revient d'un voyage en Chine. Il nous raconte un peu quelles sont ses impressions, en fait. Monsieur O'Neill, vous étiez donc à Pékin pendant ces 6 jours. Les Occidentaux parlent beaucoup de cette espèce de choc culturel qu'ils ressentent quand ils se promènent dans les rues de Pékin et quand ils regardent vivre les Chinois. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi? Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'architecture, vous le pensez bien. Il s'agit plutôt d'un choc qui vous provient du simple fait de voir les gens, de voir, par exemple, des défilés de jeunes portant leurs chaises qui se rendent à des assemblées politiques ou parapolitiques, de voir cette absence d'automobiles et ces milliers de gens qui circulent à bicyclette, de voir aux portes des usines les groupes d'études de la pensée de Mao qui ont quitté le travail pour 30 minutes, une heure, pour se plonger dans l'étude de la pensée du révolutionnaire, de voir aussi des groupes qui font leurs exercices physiques, les réceptions qu'on vous fait aux portes des usines en agitant le livre rouge et... Bref, ce qui vous frappe d'une certaine façon, c'est l'omniprésence de la pensée de Mao et du personnage en carton-pâte, en images colorées, et de l'omniprésence aussi des soldats de l'armée de libération chinoise, assez inoffensifs d'ailleurs, qui ont l'air assez inoffensifs, mais qui sont partout et qui sont dans la population, comme l'a dit Mao, comme des poissons dans l'eau. Bref. Alors Jean-Luc Domenac, il est à ce moment-là, il est omniprésent, Mao. Son image, sa pensée, le petit livre rouge, il est partout. C'est ça. Il veut se diviniser pour se donner le droit de bousculer le parti et de purger Liu Shaoqi. C'est précisément le calcul de Mao Tse-Tung. Il se donne des droits nouveaux qui sont fondés sur une morale nouvelle, le service du peuple, le service de la morale. Liu Shaoqi étant persuadé, étant présenté comme une crapule stalinienne et un bureaucrate. Deux années plus tard, vous allez voir, puis ça vous étonnera pas, vous, Jean-Luc Domenac, mais ça va vite, cette Chine-là, qui est toujours un petit peu, qui évolue en marge de cette grande URSS, pas très loin, en 1973. Autre témoignage, celui de Michelle Gay, elle est psychologue en milieu scolaire. Elle raconte donc son séjour en Chine. Je vous le rappelle, on est seulement deux ans après ce qu'on vient d'entendre, le témoignage de Pierre Neil, en 73. Donc, l'image de Mao qui s'efface un peu, mais sa pensée, nous dit Michelle Gay, elle, qui reste omniprésente. Mao est omniprésent, mais c'est de plus en plus intériorisé, on a l'impression. Moi, j'avais lu beaucoup de livres où on parlait des boutons Mao, là, que tous les gens avaient sur leur veston. On parlait du petit livre rouge que tous les gens avaient en main dans les villes et même dans les campagnes. On parlait de l'effigie de Mao qui était partout sur les édifices, dans les chambres d'hôtel. Bon. Actuellement, en 73, on est à la période de consolidation de la révolution culturelle. Ce qui fait que on a essayé de minimiser le culte de Mao. Ce qui veut dire que on ne rencontre plus les gens avec le petit livre en main. Il y a très peu de gens qui ont des insignes de Mao sur leur veston. Il reste des portraits de Mao à l'extérieur des édifices, des statues de Mao un peu partout. Mais on ne retrouve pas Mao dans les chambres d'hôtel, par exemple. On a enlevé toutes les photos de Mao dans les chambres d'hôtel. On le retrouve partout dans un sens, puis dans un sens, il est un peu disparu. Ce qui n'est pas disparu, par exemple, c'est les enseignements de Mao. C'est ce qu'on retrouve dans la bouche de tous les gens qu'on a rencontrés. Mao nous a dit, Mao nous a enseigné. On utilise le petit livre rouge pour, par exemple, apprendre aux vieilles chinoises qui n'avaient pas eu la chance d'apprendre à lire. C'est le livre dans lequel ils apprennent à lire. C'est le livre qui sert d'éducation politique de base. À tous les niveaux. Alors, dans les campagnes, par exemple, on a essayé de regrouper les gens. L'éducation politique de base, ça veut dire apprendre à lire le petit livre rouge et puis à mettre en pratique les enseignements qu'on retrouve dans le petit livre rouge. Les gens qui, après ça, on passe à autre chose. Mais le petit livre rouge, ça demeure... un instrument de base. Cet extrait-là, Jean-Luc Domenac, nous montre bien, à ce moment-là, l'importance qu'a le petit livre rouge. Il est très, très lu. Ce sera même, en quelque sorte, une lecture obligatoire. Ah, absolument. Et les comités de quartier, les comités de rue, les comités d'usine sont censés faire des lectures publiques, des commentaires publics. C'est vraiment la leçon de morale obligatoire. Et c'est la leçon d'une nouvelle morale. Et celui qui ne le lit pas... le paie parfois chèrement. Dans la révolution culturelle, ce sera presque un outil de répression. Là. Ah, mais tout à fait. C'est vraiment l'autoritarisme moral le plus extrême. Et c'est tantôt simplement un petit peu déroutant pour le voyageur, mais tantôt insupportable, parce qu'il y a des scènes de cruauté, des fois, à la fin des réunions de lecture. Par exemple? Ah ben, par exemple, toi, Dupont, là-bas, j'ai vu que tu lisais pas vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez, camarade? Abat Dupont. Oui, alors Dupont, qu'est-ce que tu expliques toi? Mais Robin, j'ai des petits malheurs chez moi, etc. Est-ce que vous croyez que ça suffit comme excuse? Non, abat Dupont. Voilà, c'est ça un petit peu. C'est comme ça que ça se passe. On interroge les gens sur le contenu pour s'assurer qu'ils aient bien qu'ils connaissent sur le contenu, mais aussi sur la façon de lire. Ah oui. Il faut vraiment lire ça comme on le censé comme on était ou comme on est encore censé lire les livres de messe à l'église, si vous voulez. C'était vraiment ça, vraiment. Eh ben, c'est une belle transition que vous m'offrez sur un plateau d'argent, Jean-Luc Domenac, parce que deux invités vont nous parler. Moi, c'est une dimension que je ne connaissais pas, mais je serais très curieux de vous entendre là-dessus. Y a-t-il effectivement un parallèle entre le petit livre rouge et le petit catéchisme, entre le petit livre rouge et la chrétienté? Deux extraits donc pour vous. Le père François Wang, qu'on entendait au début de l'émission, qui sera suivi justement de cette psychologue en milieu scolaire, Michel Gay, qu'on vient d'entendre. Tous les deux sont interviewés en 1973. Moi, je dirais ceci, c'est qu'il y a un accent, une résonance chrétienne, sans que le Marteton s'en aperçoive. Par exemple, les trois passages dans le petit livre rouge, que j'aime beaucoup, sont vraiment touchants. Par exemple, le premier passage, où il est question de votre compatriote, le docteur Norman Béthune, c'est un des plus beaux passages. Vous savez très bien qu'un docteur canadien avait tout abandonné pour suivre l'armée communiste chinoise pendant la période de la libération, et il a été tué au champ de Donner, en soignant ses malades, les blessés, les soldats blessés. Alors Mao Zedong a fait un grand discours. Il dit, cet étranger, ce Canadien qui est venu en Chine, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Donc il n'y a que l'amour qui compte. Il n'y a pas de raison que nous n'aimions pas les autres. Et ceci n'est pas nous fait comprendre qu'il y a une façon laïque, non chrétienne, de nous aimer les uns les autres. Il y a encore une fois, enfin, ce passage qui est très beau aussi, sur la mort, le sacrifice. Il dit, il y a mourir et mourir. Il y a mourir léger comme la plume, il y a mourir lourd comme la montagne de Taïchen. Et mourir lourd comme la montagne de Taïchen, c'est mourir pour les autres. Et mourir léger comme une plume, c'est mourir pour soi-même. Et nous, Chinois, nous devons mourir pour les autres. C'est très beau. Je sais que dans le petit livre rouge, on parle beaucoup de s'aider les uns les autres. Il faut, on essaie d'exclure la compétition. Puis ça, je l'ai retrouvé partout. Par exemple, à l'école, on voit les enfants s'aider beaucoup. Mao dit qu'il faut s'aider les uns les autres. Il ne faut pas damasser l'aspect collectif qui est mis en valeur en Chine. Les enfants, on voyait les petits-enfants dans les écoles primaires, ceux qui sont plus grands aident les enfants qui sont plus petits à mettre leur manteau. Dans les écoles secondaires et puis à l'université, les étudiants qui sont meilleurs que les autres, par exemple, aident les étudiants qui sont moins bons, ce qui veut dire que tout le monde travaille en équipe. Habituellement, on retrouve des dyades partout. Alors, Jean-Luc Domenac, très, très curieux de vous entendre. Est-ce qu'il y a, dans quelle mesure on peut faire le parallèle? Est-ce qu'il y a une parenté de ce petit livre rouge, de cette pensée de Mao avec la chrétienté? Écoutez, très franchement, d'abord un commentaire sur les prêtres qui parlent et sur leur attitude, ce qu'ils cherchent. Ils sont complètement trompés, ces prêtres-là. Et c'est pas nouveau. L'Église catholique a depuis longtemps, depuis le XVIIe siècle au moins, une interprétation de la morale et de la religion chinoise comme étant pré-chrétienne, en quelque sorte. Et que donc, au fond, la Chine attendait le prêche chrétien, si vous voulez. À la vérité, la situation est complètement différente. La morale chinoise est une morale authentique, une morale qui recoupe parfois ce que le christianisme a aussi inventé de son côté. Mais il y a deux différences absolument énormes. La première différence, c'est que la morale catholique est articulée quand même par une métaphysique. Et la deuxième différence, c'est que la morale chinoise est une morale qui met d'abord, avant toute chose, la soumission au pouvoir terrien. Et c'est toute la différence. L'Église catholique, elle, pense la morale en fonction, disons, du Dieu souverain, alors que la morale chinoise est, elle, asservie à la direction impériale, et celle-ci est dans ce cas-là à la direction maoïste. Et donc, ils sont adorables, tous ces missionnaires. J'ai connu François Wang. Mais franchement, ils se sont fait posséder. Il y croit, lui, de toute façon. L'extrait qu'on entend au tout début, quand il parle de l'homme nouveau, il dit, c'est le défi. Est-ce qu'on réussira. Sûr. Il adhère à ça. Et il faut savoir que beaucoup de ces prêtres-là ont été ensuite très malheureux de leur erreur, très critiqués par leur hiérarchie, etc. Enfin, ce sont des gens sincères, hein, je veux pas en rigoler comme ça. Simplement, je crois qu'ils sont racontés des histoires. Et sur l'aspect, c'est la Québécoise qui évoquait ce côté aidons-nous les uns les autres, très présent. Ah oui. Sinon, c'est Confucius tout ça. D'accord. Vous savez, pendant que les idées en Occident avançaient vers le christianisme, Confucius était déjà là et avait formé une morale, disons, plus à ras de terre, plus aussi asservie à la politique, mais qui était de même dans le contenu, était assez semblable à la morale qui sera réinventée par les chrétiens. Et il a toujours sa place, donc, Confucius, dans cette Chine maoïste. Alors, Mao justement, c'est comme toujours pareil, c'est-à-dire, dans les régimes communistes, plus vous ressemblez à quelqu'un, plus vous voulez pas voir ce quelqu'un, ouais, évidemment. Ouais. Donc Mao a évidemment purgé Confucius au moment même où il l'imitait dans le petit livre rouge, évidemment. Ça n'est que depuis quelques années, il faut le reconnaître, que Confucius est revenu sur le devant de la scène, et on comprend là cette fois-ci que les dirigeants chinois en ont besoin, parce que la morale dans la Chine capitaliste ferait un peu de bien, quoi. Alors, ce petit livre rouge, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu en Chine pour les Chinois? Qu'est-ce qu'il représente? Ils sont gênés. Il faut les voir. Moi, j'ai fait tous les petits marchés, etc. Ça se vend maintenant pour 3 sous. Ouais. Hein, alors qu'il y a eu une période où on n'en trouvait plus, etc. Et ça coûtait très cher. J'en ai exemplaire que j'ai acheté, que j'ai marchandé. J'ai vu. Un bouquiniste. Vous dites bien, ça se vend. On le négocie, ça absolument. Se vend pour une bouchée de pain. Absolument. Maintenant, je dirais que les Chinois sont plus gênés quand même. Ils ont un petit rire gêné quand ils achètent. Ça fait un peu marrant, mais quand même les temps ont changé et la révolution culturelle fait appel à tellement de souvenirs, provoque tellement de souvenirs désagréables, parce qu'il n'y a pas de famille qui n'ait pas eu à cette époque-là un père battu, un enfant martyrisé, un autre exilé, etc. Donc ils sont à la fois curieux, intéressés comme ça, mais surtout gênés, et puis aussi ils se trouvent un peu cloche, parce que maintenant le grand modèle c'est les États-Unis. Ouais. C'est le capitalisme, c'est de gagner de l'argent. Mais il y a de la nostalgie, l'idée d'avoir un petit livre rouge chez soi. Je vous Alors, écoute, oui. Je pense à la ex-RDA, à ce qu'on appelle l'ostalgie. Oui. Il y a toutes sortes de symboles, la trabande. Il y a un peu de ça. Mais je dirais quand même pas tant, parce que ce à quoi le livre rouge répond est maintenant utilisé ou promu par un certain nombre de croyances religieuses qui se développent. C'est mal connu. Le christianisme connaît, et notamment le protestantisme, flambe véritablement ah dans bon? Les campagnes chinoises. Ah oui. Le bouddhisme aussi flambe, etc., etc. Donc il y a moins besoin, si je puis dire, du petit livre rouge. Ce petit livre rouge, à qui appartient-il? Question qui peut paraître banale, mais qui ne l'est pas tant. Ah oui. Je vous propose là-dessus un extrait d'une émission récente, en fait, en 2008, un échange entre l'animatrice Julie Carpentier et la journaliste Dominique Arnoldi à Vancouver, qui parle justement de toute cette controverse autour de la question des droits du petit livre rouge. Ça vaut combien d'argent, tout ça, en droit d'auteur? Des millions. Parce qu'en 1967, Mao avait amassé une fortune de près de 800 000 $ à l'époque. Maintenant, si on inclut les réimpressions, les intérêts, tout ça a profité. Et en 2001, seulement, sa fortune est évaluée à près de 18 millions de $. Elle doit encore d'être un peu plus aujourd'hui. Donc, c'est en fait un bon exercice de capitalisme. Qui a hérité de ces droits d'auteur? Ben, c'est la grande question, parce qu'il y a un débat en ce moment au sein des hauts gradés du Parti communiste en Chine. La quatrième femme de Mao, Jiang Qing, qu'on appelle aussi Madame Mao, avait été une ardente supporter de la révolution culturelle. Apparemment, elle aurait demandé qu'on lui donne cet argent à 5 reprises. Avant sa mort en 1991, on lui a jamais donné. Et il semblerait qu'elle en parlait d'ailleurs avec Mao du temps de son mariage avec lui. Et on raconte que quand il était de bonne humeur, il promettait de lui laisser de l'argent. Et quand il était moins, il accusait de souhaiter sa mort rapide pour avoir accès à sa fortune. Ils n'ont pas eu d'héritier ensemble? Mais il y a deux de ses enfants aussi qui ont demandé l'argent, mais ça aussi, ça leur a été refusé. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ben, c'est en 2003, il y a eu la publication d'une nouvelle édition du recueil des ouvrages de Mao. Et là, les leaders du Parti communiste se sont demandé, est-ce qu'on doit taxer les redevances de Mao ou non? Et là, ils sont allés demander l'avis du cabinet. Et le cabinet a décidé de pas remettre l'argent aux héritiers parce que, et je cite, c'est la raison qu'ils ont donnée, les écrits de Mao n'étaient pas les siens, mais ils étaient la cristallisation de la sagesse collective du Parti communiste. Et les Chinois. Ah, c'est assez inouï, là. C'est surréaliste ce qu'on entend à ces questions. Mais qui sont des vraies questions sur à qui appartient cette œuvre-là. Et d'autant plus des vraies questions que maintenant tout aboutit à des questions d'argent, hein, Gine. Hein? Ouais. On va tout de suite à l'essentiel, qui est combien. Mm-hmm. Hein? Donc, véritablement, c'est une question du jour. Alors, cela posé, je trouve que le choix qui a été fait est un choix sérieux et assez honnête, parce que il est complètement vrai que Mao n'a rien écrit pratiquement. Voilà, vous nous le disiez au début de l'émission. Il commandait des papiers, et puis il les surveillait, il les lisait. Ouais. Des fois, il les lisait même à peine. Et puis voilà, ensuite, c'était du Mao, quoi. Ouais. Vous voyez. Donc, je pense que c'est plutôt le département de la propagande qui s'est sucré, quoi. Voilà. Ce petit livre rouge, vous nous disiez il y a quelques minutes ce que c'est devenu pour le chinois moyen, un peu gêné face à tout ça. Le régime, quelle interprétation on en fait? Qu'est-ce que le régime fait de ce petit livre rouge? Le problème du petit livre rouge est un grave problème, et c'est un grave problème qui est à l'intérieur d'un problème encore plus grave, celui de la révolution culturelle. La question est de savoir comment critiquer sans en faire trop, si je puis dire. Comment critiquer les erreurs du président Mao sans en finir avec le président Mao lui-même? Mm-hmm. Comment critiquer la révolution culturelle sans en finir avec le régime qui l'a rendu possible. Alors c'est toujours très compliqué, et à la vérité, quand on assiste à des, moi j'ai assisté à des réunions politiques dans des unités comme ça, etc. En règle générale, on s'en tire par des affirmations vagues, et tout le monde est au fond assez content, parce que c'est assez chinois, ça, hein, d'en finir avec des formules un peu vagues, parce que finalement, l'essentiel, ça n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et donc, toute réflexion, soi-disant, sur le président Mao finit par des éloges sur les résultats extraordinaires qu'on remporte actuellement. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Il faut reconnaître qu'il y a peu de pays au monde qui auraient été capables de digérer une erreur, deux erreurs quand même épouvantables. Ouais. 37 millions de morts pendant le grand bond en avant de 1958 à 1962. 5 millions de morts pendant la révolution culturelle, sans parler le délire des uns et les maladies des autres, etc., etc. Eh ben, ils ont passé le cap, malgré tout. Et ça, Jean-Luc Domenac, cet héritage de Mao, ce sera le sujet d'une autre émission qu'on fera ensemble très, très bientôt, c'est promis. Merci beaucoup de votre participation à l'émission aujourd'hui. Merci. Jean-Luc Domenac, sinologue, chercheur, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.